Maxi Sud. Cette sixième édition, la thématique centrale était design utile. Alors aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et on est heureux en Occitanie d'avoir pu labelliser un nombre assez conséquent d'événements. Nous avons eu 87 événements labellisés et inscrits en région Occitanie, 44 entités organisatrices d'événements. Donc ça pouvait être des designers intégrés, des designers freelance, des écoles, des centres d'art, des associations, des entreprises. 9 lycées, écoles et universités ont été partenaires ou bien organisatrices d'événements. Il y a eu 3 grands parcours de vitrine à Albi, organisé par l'association Parcours d'architecture, à Toulouse, organisé par l'association Céramique plurielle toulousaine, ainsi qu'à Montpellier, organisé par l'association Indigodoc. Au final, près de 80 commerçants ont été partenaires en accueillant des designers dans leur commerce et dans leur vitrine. 4 musées et centres d'art publics ont également été organisateurs et partenaires d'événements. Je pense notamment au Centre d'art Le Lay à Albi, au musée Toulouse-Lautrec à Albi, au MIAM, le musée international des arts modestes à Sète, ainsi que le Centre d'art La Fenêtre à Montpellier. Il y a eu également 9 événements en ligne, 17 conférences, 22 expositions, et nous sommes en train de comptabiliser, en tout cas d'estimer, le nombre de visiteurs qu'il y a eu cette année. Comme temps fort à Toulouse également, il y a eu l'inauguration officielle qui a été menée et organisée pour la première fois en collaboration avec l'ICID de Montauban. Ça a eu lieu à l'Université Jean Jaurès à Toulouse. Et donc Design Occitanie s'est associé pour la première fois au laboratoire de recherche Lara Sepia pour inaugurer le festival, mais aussi la journée d'études qui s'intitulait « Design sur la mort ». Ce fut une journée très très riche, plein d'échanges, et ce fut une très très belle inauguration avec une thématique pas forcément évidente, mais qui a montré à quel point le design peut ouvrir un champ des possibles et à quel point le design est utile dans nos sociétés, et ce, dans énormément de domaines. J'en profite pour remercier nos partenaires qui nous soutiennent depuis les débuts de France Design Week. Il y a la DRAC Occitanie, il y a l'École de Condé Toulouse, cette année l'espace de coworking Les 5 éléments à Perpignan a permis d'accueillir un événement qui a été créé et conçu par Jeanne Rio, qui est designer et adhérente Design Occitanie. Le laboratoire Lara Sepia est d'ici de Montauban, avec qui nous avons inauguré le festival. Et je remercie tous les bénévoles, tous les adhérents, tous les membres actifs de l'association Design Occitanie pour leur investissement, puisque sans eux, ce festival ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Design Occitanie ? Nous sommes une association et notre objectif, c'est de faire la promotion de tous les métiers du design dans la région. Un de nos objectifs également, c'est de créer des liens entre les entreprises locales et les designers locaux, puisque nous réalisons souvent que les entreprises font appel à des designers qui ne sont pas forcément dans notre région, alors que nous avons un vrai vivier de designers en Occitanie. Donc c'est ça que nous souhaitons mettre en avant. Nous avons pour ce faire créé un annuaire de designers composé de nos adhérents. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près une soixantaine, voire un petit peu plus aujourd'hui, d'adhérents. Nous avons également une borne qui nous permet de faire des expositions numériques à travers l'Occitanie. Nous avons plusieurs versions de cette borne, ce sont des bornes nomades, et elles exposent, elles affichent des productions de nos designers, mais nous pouvons aussi accueillir d'autres expositions numériques, et nous faisons le relais ainsi avec d'autres associations. Au niveau de nos actions, nous organisons des conférences, nous organisons des networking, des rencontres, des expositions, et nous sommes donc l'association coordinatrice de la France Design Week chaque année depuis sa création. Ainsi, depuis fin 2020, date de création de Design Occitanie, notre mission est triple, économique, culturelle, mais aussi pédagogique. Et nous rassemblons designers, entreprises, collectivités et écoles pour valoriser tous les métiers du design, construire une dynamique régionale forte et montrer que le design est un levier de croissance et d'innovation. Si vous êtes intéressé par nos actions, par le design, je vous invite à adhérer à l'association ou bien tout simplement à suivre nos actualités. Vous pouvez aller sur le site de Design Occitanie, design-occitanie.fr. Dans la partie adhésion, vous avez toute la démarche qui est expliquée. Vous pouvez aussi sur le site internet vous inscrire à notre newsletter. Nous sommes très actifs sur Instagram ainsi que LinkedIn, donc nous vous invitons à nous suivre et à suivre aussi la page de France Design Week, puisque nous faisons partie du comité de pilotage. Suivez-nous et vous serez informés de la suite également du Festival France Design Week, puisque nous allons faire à la fois un bilan régional et un bilan national. Et assez rapidement, d'ici quelques mois, nous relancerons les appels à contribution pour l'année prochaine, avec une nouvelle thématique qui sera proposée aux designers. Aujourd'hui, la France Design Week est terminée, mais certains événements qui ont été labellisés continuent encore. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pourrez toujours découvrir l'expérience Vireban, qui est une manufacture de porcelaine et de céramique. Vous pourrez aussi encore découvrir et parcourir l'exposition Superbe Marché au Miam de Sète, sur les papiers d'agrumes, ainsi que Superbe Marché 2 à la fenêtre à Montpellier. À bientôt.